Monsieur Guillaume Audiz est là. Ah oui, Guillaume. Ça va les amigos, ouais. Alors, j'ai lu un article incroyable hier matin dans Le Monde, mais honnêtement je trouvais que c'était écrit à la bite et je voyais pas vraiment où le journaliste voulait en venir, donc je vais pas vous parler de ça. À la va-vite, vous voulez dire. Oui, absolument. donc, vous avez sûrement vu sur l'internet, petit débit de folie, le CCNE, en fait le Comité Consultatif National d'Éthique, préconise d'étendre à toutes les femmes, couples de lesbiennes ou femmes seules, l'accès à la PMA, la procréation médicale assistée. Et donc je voudrais vraiment vous parler de la difficulté de faire des vannes dans des phrases à deux sigles. Parce que je trouve ça vraiment long, c'est compliqué. Je dis ça parce que je les connais, les auditeurs d'Inter, ils vont me faire « Ouais, Ernesto, Fils du Sunshine et tout, on t'a trouvé vachement genre de factu sur la phrase avec le CCNE, même si, alors qu'une petite vanne sur la taille de Nagui, alors c'est vraiment la couverte. Si c'était pour écouter des chroniques pas drôles, on retourne sur... Bref, vous êtes long à la détente en France, mais l'avis du comité d'éthique va incontestablement, je pense, dans le sens de l'histoire. Bravo. Même si bon... Je trouve qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup pour les femmes, quoi. Non, ouais. C'est beaucoup pour les femmes. Ouais, heureusement, dans cette émission, on essaye tant bien que mal de garder un équilibre pré-Weinstein. Ouais. 6-1 quand même autour de cette table. C'est du Djokovic, Nathalie Dechy, quoi. Vraiment, il y a un truc, zéro pitié. Ça va, Leïla ? Ça va très bien. Ça vous fait quoi d'être dans un bastion de la résistance ? Et sans poppers en plus, ça va vous faire tellement curieux. Voilà, c'est ça qui m'embête. Ouais, vraiment. Ceci dit, que la société française rattrape son retard, je crois que c'est vraiment une joyeuse nouvelle, même si bon. Je trouve que dans l'élan, on aurait pu ouvrir l'accès à la PMA à d'autres catégories de population, quoi. Notamment aux trentenaires belges un peu férus d'élocution qui chroniquent sur des radios prétendument communistes. C'est vrai, pour moi, biologiquement, c'est tordu de faire un enfant seul. Enfin, en ce moment, j'ai pas d'utérus. J'ai des chouettes organes et tout. Hein, j'en suis père. Ouais, j'ai un foie, c'est pas un foie, c'est un phénix. À chaque lundi, René et tout, je lui fais ça va toi. Il me dit ouais, moi aussi, je suis premier étonné et tout. Pour faire un enfant. Et ça, c'est l'injustice pour faire un enfant. Et ça, c'est l'injustice fondamentale, finalement, qui frappe chaque homme depuis la première de Vivement Dimanche. Hein. Pour faire un enfant, un homme, bah, il faut qu'il trouve la bonne, quoi. Une femme, il faut qu'elle trouve du sperme. Ouais, y a quand même une grosse différence dans l'équation, mais c'est vrai, quelque part. Et je le dis, j'aime pas dire sperme sur France Inter, mais je vois pas en quoi dire la jute, ça nous aurait tiré de l'ornière de la vulgarité. Alors, moi, j'ai toujours vraiment rêvé, quelque part, d'avoir un enfant seul, parce que j'étais élevé par un père seul, en fait. Vraiment, ma mère était sympa et tout, mais elle était pas contre un petit pinot noir à 7h30 du matin. Donc, quand je suis né, elle voulait appeler Philippe en hommage à Philippe Léotard, tu vois. Donc, niveau picole, je crois que si elle m'avait vu à côté de Gustave et Bruno, elle serait tellement fière. Vraiment. Cette réputation. Même si bon, mon père. C'était un parent seul, quoi. Il a tout donné pour moi. Il a tout donné. Mais honnêtement, on avait une hygiène. T'es en train de crever. Côté, franchement, Daniel Morin, c'est Stéphane Bern, quoi. Vraiment, il y a un truc sale chez nous. C'est pas quand il y avait des insectes, c'est quand les insectes tenaient pas le coup, quoi. Vraiment, il y a un truc. Ça l'énervait, mon père. Il disait, écoute, si Madame Lablotte n'est pas capable de vivre ici, elle a qu'à aller retourner en forêt. Hein. Voilà, c'est vrai. Il parlait comme ça. Ouais. J'étais heureux avec mon père parce qu'il a fait ce qu'il a pu. Regardez où j'en suis aujourd'hui. Ouais. Là, quelque part, en bout de table, exclu. Voilà. Mais qui a besoin vraiment, du respect. Je suis à l'autre bout, mon amour. C'est vrai. Merci, je suis la preuve qu'un enfant ne doit pas forcément être le projet de deux individus pour être équilibré. Regardez Hitler, par exemple. Il a deux parents. Hitler qui se retourne dans sa tombe, je fais putain encore moi, qu'est-ce que j'ai encore fait? Vous les humoristes, vous n'avez pas d'autre corps. Bref, et donc. Non, je dis juste que si la mère d'Hitler l'avait eu en PMA, peut-être qu'on en parlerait que dans le monde de l'art aujourd'hui. Quelqu'un disait putain, ouais, Hitler, je le trouve quand même vachement surcoté. Je trouve que mettre 100 000 balles sur une de ses toiles pré-disco. Enfin, tu vois, il y avait un truc vraiment. C'est différent, quoi. Je pense qu'au niveau gamin, il faudrait vraiment qu'on soit tolérant, qu'on soit juste et qu'on soit créatif. Allez, bonne émission, les amis. Merci, bravo, bienvenue. Bravo. La bande originale.